Rossignolé du bois, rossignolé sauvage. Apprends-moi ton langage, apprends-moi sans parler. Apprends-moi la manière, comment il faut aimer, comment il faut aimer. Comment il faut aimer, j'ai ma bavoule. Touchez mes pommes.